إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 127, alhamdulillah, et c'est le chapitre 50 qu'on commence aujourd'hui. Le titre de ce chapitre c'est Babun Qawlullah Ta'ala فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وغير ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني ولأجعلن له قرني أيل فخرج من بطنك فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبي سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيع فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله سند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله ولئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans ce chapitre comme hadith. Et qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il y a la mention du verset 190 dans sourate Al-A'raf. Et ce verset-là en français, qu'est-ce qu'il dit? Il dit puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Voilà la traduction de ce verset-là. Puis l'imam Ibn Hazm al-Andalusi, il dit que les ulama sont d'accord, il y a un ijma sur le fait que on n'a pas le droit d'appeler ou de donner comme nom à un enfant Abd, c'est-à-dire quand on donne à quelqu'un le nom de Abd, on peut seulement l'appeler comme par exemple Abdullah ou Abdurrahman ou un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire serviteur ou esclave d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne peut pas mentionner le mot Abd devant aucun autre nom que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple ceux qui appellent leurs enfants comme Abd Amr ou Abd al-Ka'ba ou Abd al-Wa'iridali, et d'autres exemples aussi. Abdul Nabi, esclave du prophète, ou Abdul Hussein, ou Abdul Rasoul, hein. Donc tout ça, c'est des noms que des gens donnent à leurs enfants des fois, parmi les soufis. Hein. Et parmi les chiites, il y en a qui donnent à leurs enfants des noms comme Abdul Ali, Abdul Hassan, Abdul Hussein, des noms comme ça. Et ça, bien entendu, c'est interdit, parce que ce sont des créatures. Et quelqu'un ne peut pas être le serviteur ou l'esclave. On ne peut pas appeler quelqu'un comme étant l'esclave de quelque chose autre que Allah ou de quelqu'un autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement avec les noms d'Allah qu'on peut mettre « ab » dedans, devant. Et Ibn Hazm, il dit quoi? Il dit « hasha Abdul Muttalib ». Il dit « accepté Abdul Muttalib ». Et on va voir plus tard que cette exception-là, elle n'est pas valable, ou ce n'est pas une exception qui est correcte. Ensuite, il dit « Wa'an ibn Abbasin fil ayah ». Ensuite, il rapporte l'explication d'Abdullah ibn Abbas au sujet de ce verset. « Lamma tarashaha Adam hamalat ». Lorsque Adam a eu des rapports avec sa femme, Ève, elle a eu un enfant. Et Iblis est venu à eux, puis il leur dit « Je suis votre compagnon qui vous a fait sortir du paradis ». Et vous devez m'obéir, parce que si vous m'obéissez pas, je vais faire que cet enfant-là ait deux cornes, et il va sortir de son ventre, et il va le déchirer, le ventre. Il va lui déchirer le ventre avec les cornes, si vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc il a dit ça pour leur faire peur, et il leur a mis comme condition que vous devez l'appeler Abdul Harith. C'est-à-dire, l'enfant, vous devez l'appeler Abdul Harith. Et bien entendu, Al Harith, c'est pas le nom un des noms d'Allah, c'est le nom d'une créature. Et ils ont refusé. Alors, l'enfant est sorti mort. Alors, par la suite, elle est tombée enceinte encore une fois, puis le shaitan est venu, puis il leur a encore une fois mentionné la même chose que la première fois en les menaçant. Puis ils ont eu, à cause de l'amour pour l'enfant, ils ont accepté d'appeler l'enfant Abdul Harith. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour, c'est-à-dire par rapport à cette histoire. Et c'est rapporté par Ibn Abi Hatim. Oui, ce hadith-là, il est zaïf. Et, pardon? Oui, attends. Ça. On va voir qu'est-ce que Cheikh Fawzan dit à ce sujet-là. Et il dit, avec une chaîne authentique, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit, avec une chaîne authentique, selon Qatada, que c'est mentionné, qu'ils étaient des, c'est-à-dire qu'ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le verset, ça dit quoi? Ils ont donné à Allah des associés dans ce qu'il leur avait donné. C'est-à-dire dans cet enfant-là, ils ont fait le chef par rapport au fait qu'ils l'ont appelé Abdul Harith. Puis Qatada, il dit que ça veut dire quoi? C'est ils ont donné à Allah un partenaire dans l'obéissance, mais pas dans l'adoration. Donc ça veut dire que c'est pas un shirk dans l'adoration, mais un shirk dans l'obéissance, et donc un shirk mineur, et non pas un shirk majeur. Et dans une autre narration qui est rapportée selon Mujahid, ça dit wa fi qawlihi la in ataytana salihan wa qala ashfaqa an la yakuna insana. C'est-à-dire Mujahid lui il a dit, si tu nous donnes un enfant qui est sain, en bonne santé, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient peur que cet enfant-là ne soit pas humain. Et ça a été mentionné par Al-Hassan et Saïd et d'autres également parmi les savants. Donc ça c'est ce qui est mentionné dans ce chapitre à ce sujet. Là on va lire ensemble qu'est-ce que le chef Saleh Al-Fawzan nous dit en explication par rapport à ce hadith-là et ou bien à cette parole-là, puis par rapport au verset qui a été mentionné dans ce chapitre-là également. وعليكم السلام حسن Ok, donc le cheikh dit wa hadha al-bab al-maqsoud bihi bayanu anna ta'bid al-asma li ghayri Allah shirk yunafi kamal at-tawhid wa anna al-maqsoud mujarrad at-tasmiyah amma in kana al-maqsoud ta'bid at-ta'alluh li ghayri Allah fa innahu shirk akbar yunafi at-tawhid wa qawluhu rahimahullah باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما يريد بيان ما جاء في تفسير الآية والآية التي قبلها قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يعني آدم وحواء عليهما السلام فلما تغشاها يعني وطأها حملت يعني علقت رحمها بالنطفة حملا خفيفا هذا شأن الحمل في أول أطواره كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة يكون خفيفا في هذه الأطوار فمرت به يعني ما أجلسها فمرت به يعني ما أجلسها ولا عوقها عن العمل فهي تمر وتمشي وتقوم وتقعد فلما أثقلت يعني في طور نفس الروح فيه دعوا الله ربهما يعني دعا آدم وحواء وطلبا من الله جل وعلا لئن آتيتنا صالحا يعني رزقتنا مولودا سويا في خلقته لنكونن من الشاكرين لأن هذا هو الواجب في النعمة أن تشكر فلما آتاهما صالحا استجاب الله دعوتهما وآتاهما ولدا إنسانا سويا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما بأن سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله وهذا من الشرك في التسمية حيث عبداه لغير الله عبداه لغير الله أوكي Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le cheikh a dit ici? Dans le but de ce chapitre-là, c'est d'expliquer, ok, que, yani, les noms qui commencent par Ab ne peuvent pas être donnés, ne peuvent pas être utilisés pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est en contradiction avec la perfection du tawhid, dans le sens que si tu dis Abd, serviteur ou esclave de quelque chose, tu dois mettre après un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas mettre le nom d'une créature, hein, parce que ça rentre dans l'adoration, et si tu donnes à quelqu'un un nom comme Abd, puis que tu dis par exemple Abdul Rasul ou Abdul Kaaba, ou des choses comme ça, ça vient, disons, détruire la perfection de ton tawhid, ça vient diminuer la perfection de ton tawhid. Et donc, c'est une forme de shirk qui est mineure. Ça vient pas détruire complètement le tawhid, mais ça vient diminuer la perfection du tawhid. Parce que la perfection du tawhid, c'est le top, le maximum. Mais le minimum du tawhid, il est toujours là, tu vois. Quand quelqu'un fait un shirk mineur, son shirk, il est diminué, son tawhid, il est diminué, mais il n'est pas complètement détruit. Il reste toujours présent, sauf qu'il est diminué. Mais, yani, celui qui donne à une personne un nom comme Abd, Abdul Rasul, ou Abd al-Kaaba, ou Abd al-Hussein, ou des choses comme ça, puis qu'il pense ou qu'il a vraiment l'intention de faire en sorte que ces choses-là soient adorées en dehors d'Allah, comme par exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit adoré, ou bien que Al-Hussein soit adoré, ou bien que la Kaaba soit adorée, et que lui dans son cœur et dans sa tête, et quand il donne ce nom-là à quelqu'un, il pense vraiment que ces choses-là méritent de l'adoration, dans ce cas-là c'est une forme de shirk majeur, hein, comme le shirk l'explique ici. يعني أن بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود مجرد التسمية. Donc si c'est juste pour donner un nom comme ça sans croire en la signification et sans croire à ce que ça représente, dans ce cas-là, c'est juste une forme de shirk. Mina, toutefois, si quelqu'un donne ce nom-là à quelqu'un, et qu'il croit vraiment qu'on peut adorer autre que Allah, puis qu'on devient un serviteur d'autre que Allah, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur qui oppose complètement le tawhid et qui le détruit. Après, le shirk, il explique le verset que le cheikh Mohamed Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre-là, c'est قوله رحمه الله باب قول الله تعالى, c'est-à-dire on va expliquer dans ce chapitre le tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'il leur eut donné un enfant, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les a créés d'un seul être, ça c'est ce qu'il mentionnait avant. Puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés dans ce qu'il leur avait donné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mentionné de tafsir au sujet de ce verset-là? C'est le verset 190. Puis pour bien comprendre ce verset-là, il faut lire qu'est-ce qui est dit avant le verset 189. Et c'est là qu'on peut comprendre de quoi il s'agit. Le verset 189, il dit, يعني le cheikh il le mentionne, il dit هو الذي خلقكم من نفس واحدة, c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Non, c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsqu'il eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi il la déplaçait facilement. Elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant sain, c'est-à-dire un enfant en bonne santé, en bon état, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis la suite du verset 190, puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Donc ça c'est le verset en question au complet, avec le début et tout ce qui est mentionné auparavant. Donc, le cheikh explique ça, tout le verset il explique, pièce par pièce, Hamalat, c'est-à-dire lorsqu'elle est tombée enceinte, c'est-à-dire, yani, le bébé commence à s'accrocher dans son utérus, puis il commence à se développer, au début c'est léger, donc ça c'est au début du développement du fœtus, lorsque le bébé commence à se développer, il est petit donc, c'est pas trop lourd et la femme pouvait encore commencer à continuer à faire ses activités. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit hamlan khafifan. Au début c'était pas lourd à porter, puis c'était pas difficile pour elle de faire ce qu'elle faisait comme d'habitude. Mais lorsque elle a commencé à prendre du volume, à cause du bébé, que le bébé commence à grossir, à partir du moment où l'ange vient souffler l'âme dans le bébé, et bien à partir de ce moment-là, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala avec son mari, avec Adam, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu nous donnes un enfant qui est en bon état, en bonne santé, on sera parmi les reconnaissants. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te donne une grâce, c'est une obligation pour toi d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un enfant en bon état et sain, et qu'il a exaucé leur invocation, et qu'il leur a donné ce qu'ils voulaient, un enfant en bonne santé, ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des associés dans ce que Allah leur a donné, c'est-à-dire dans cet enfant-là, ils ont donné à Allah des partenaires et des associés, en lui donnant un nom, le nom de Abdul Harith. Abdul Harith. Et c'est-à-dire, ils l'ont appelé Abd d'autre que Allah, c'est-à-dire de un serviteur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Al Harith. Et ça fait partie du shirk dans les noms. une forme de shirk dans les noms, parce que tu l'as appelé Abd d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la parole du shirk qu'il mentionne au sujet du tafsir de ce verset-là. Puis plus tard on va voir qu'il y a une différence d'opinion entre les savants de tafsir au sujet de l'interprétation de ce verset-là, puis ça on va le voir plus loin. الشيخ الزنشد ثم ذكر عن ابن حزم وهو الإمام الجليل أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري له المؤلفات العظيمة مثل المحلى والفصل في الملل والنحل والأنساب وجوامع السيرة فهو إمام جليل خصوصا في علم الحديث إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه صلاطة اللسان في رده على المخالفين واعتناقه لمذهب الظاهرية والظاهرية معناها الأخذ بظواهر النصوص دون النظر في معانيها وأسرارها وعدم القول بالقياس وهذا نقص في هذا المذهب ولكن على كل حال هو إمام جليل وله نفع عظيم في الإسلام ومؤلفاته خصوصا المحلى وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية بالأسانيد ففضائله كثيرة رحمه الله. Le Cheikh Zibwi ensuite Ibn Hazm il a mentionné l'ijma à ce sujet là. Et Ibn Hazm c'est qui? Ibn Hazm c'est un imam qui est un très grand savant de l'islam qu'on appelle Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm. Il vivait en Andalousie, c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Andalousi, et dans la ville de Qurtuba, qui est, oui, en Espagne, en Andalousie. Et c'est à l'époque où les musulmans régnaient en Andalousie, à l'époque. Et il est zahiri, c'est-à-dire il suit le madhab zahiri. De Abu Daoud al-Zahiri. Et c'est quoi ce madhab? Bon, le chef il va le mentionner tout à l'heure. Il a plusieurs ouvrages qu'il a écrits, plusieurs livres. Parmi ces livres, il y a Al-Muhalla, qui est un livre de fiqh. Okay, Al-Muhalla. Il y a Al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal, c'est un livre qui est écrit au sujet des sectes. Et il décrit et il définit les différentes sectes. Qui sont apparus, et c'est quoi leur description, c'est quoi leur croyance, c'est leur différence, ainsi de suite. Il y a un autre nom qui s'appelle Al-Ansab, et il y a un autre livre qui s'appelle Al-Ansab, et un autre livre qui s'appelle Jawami al-Sira, il y en a beaucoup encore. Et le Cheikh il dit que ça c'est un grand imam, en particulier dans la science du hadith, et toutefois on lui reproche parfois d'être trop dur. Quand il réfute ses opposants, il a une langue très dure, c'est-à-dire que parfois il insulte les gens qu'il réfute. Donc on lui reprochait souvent ça. Et aussi, on lui reprochait aussi d'être zahiri, d'être sur le madhab zahiri. Et c'est quoi le madhab zahiri? C'est des gens qui prennent juste les textes en apparence, sans regarder dans leur signification, et ils ne croient pas au qiyas, ou ils ne prennent pas ce qu'on appelle le qiyas, c'est-à-dire de faire des analogies entre les textes et les choses. Donc, ils ne reconnaissaient pas ce principe de fiqh qu'on appelle al-qiyas, que la majorité des imams de l'islam acceptent. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qu'on a reprochées à Ibn Hazm. الشيخ الزي ولكن على كل حال هو إمام جليل de toute façon on dit que c'est un grand imam et il a fait beaucoup de bien pour l'islam et ses ouvrages sont des ouvrages très bénéfiques en particulier Al-Muhalla parce qu'il contient beaucoup de narrations beaucoup de hadiths beaucoup de hadiths rapportés avec les chaînes de narrateurs. Et donc, il a beaucoup de mérite, l'imam Ibn Hazm. Après, le Cheikh dit, وقال, اتفقوا, يعني اجمعوا, وليس المراد الاتفاق عند المتأخرين الذي هو قول جماعة من أهل العلم. لشيخ الذكر ابن حزم الزي اتفقوا. Et quand l'imam ابن حزم الزي ici اتفقوا, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ijma, c'est-à-dire le consensus. يعني, ça veut pas dire comme certains disent dans les temps comme plus tard, ceux qui sont, les savants qui sont venus plus tard, ils ont utilisé le terme اتفقوا, mais pas dans le sens du consensus. Mais ils l'ont utilisé dans le sens de, yani, qu'un groupe de savants ont dit. Ok? Et tafakou. Mais quand les salafs, ou bien quand des ulama des premiers siècles, eux, ou bien des temps passés, ils disaient et tafakou, ils parlaient de l'accord des sahaba et l'accord des salafs. C'est-à-dire qu'il y avait un consensus sur une question, ils utilisaient le terme et tafakou. Donc ça veut dire ajma'ou. Et donc, ils sont d'accord sur quoi? على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد المحسن كعبد الحسين الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحارث وغير ذلك لأن التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى لأن الخلق كلهم عباد الله كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكل الخلق عباد الله المؤمن والكافر. Donc le chef il dit que qu'est-ce qu'ils sont d'accord, les savants ils sont d'accord sur quoi? Ils sont d'accord sur le fait qu'il est interdit de donner à autre que Allah, de dire qu'on est esclave de d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit de dire qu'on est, ou d'appeler quelqu'un par un nom, puis de dire qu'il est le serviteur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça signifie. Donc quand tu utilises le nom, quand tu appelles quelqu'un Abd, il faut absolument après que ce soit un nom d'Allah qui suit, et pas le nom d'une créature. Comme par exemple ceux qui appellent leurs enfants Abdul Hussein, ou bien Abdul Rasul, ou bien Abdul Ka'ba, ou bien Abdul Harith, et ainsi que d'autres noms de ce genre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit tous des serviteurs et des esclaves d'Allah seul, hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la créature sont tous des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Maryam, le verset 83, que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va venir yani, en serviteur devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme un esclave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toute la création est, en fait, toutes les créatures, tout ce qui est dans la création, c'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient croyants ou non croyants. Oui, c'est ça. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteur. Donc, c'est 93, oui, Surat Maryam. Puis après le chef il dit qu'on est tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'on soit un mu'min ou un kafir. Le chef il dit فَكُلُّ الْخَلْقِ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ. Tous les créatures sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient croyants ou non croyants. Le chef il dit, donc revenons, hein, Inch'Allah. Le chef il dit donc que tous les créatures sont des serviteurs d'Allah. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut comprendre ça? Que tous les créatures sont des serviteurs d'Allah alors qu'il y a des croyants et qu'il y a des non-croyants. Le chef il nous explique ça. Qu'est-ce que ça signifie ça? C'est parce qu'il y a deux formes de ubudiyya. Il y a deux formes de servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Al-ubudiyya ala qismain. Ubudiyyatun amma. وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر كلهم عباد لله تعالى وبمعنى أنهم مملوكون لله ومخلوقون لله يتصرف فيهم ويدبر أمورهم لا يخرج عن هذا أحد من الخلق. والنوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية التأله والمحبة وهذه خاصة بالمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويا عباد يا عبادي، قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهذه عبودية خاصة بالمؤمنين. Donc le cheikh il dit qu'il y a deux formes du fait d'être un esclave ou un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux formes de servitude ou de fait d'être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a celle qui est générale, et ça comprend le croyant et le non-croyant, ça comprend toutes les créatures. On est tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là, qu'on soit croyant ou non. Pourquoi? Parce qu'on appartient tous à Allah subhanahu wa ta'ala, il est notre créateur à nous tous. Et c'est lui qui nous dirige et nous contrôle, et qui contrôle nos affaires. Donc, dans ce sens-là, il n'y a personne qui sort de ce genre de servitude générale, qu'on appelle al-ubudiyyat al-amma. D'accord? Toutefois, il y a une autre catégorie de ubudiyyat qui est plus spécifique, et celle-là, c'est une ubudiyyat qui est reliée à l'amour et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie-là, c'est seulement les croyants qui rentrent dedans. C'est seulement les croyants qui entrent dans cette catégorie-là. Et il mentionne les versets comme 53 dans Surat Az-Zumar, dit ô mon serviteur, qui a commis des excès contre lui-même, ne perd pas l'espoir, ne perdez pas l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 68 dans Surat Az-Zukhruf, ô mon serviteur, ya ibadi, ô mes serviteurs, il n'y a aucune crainte pour vous aujourd'hui, et vous ne serez pas attristés. Ok? Donc ça, c'est des paroles qui sont dirigées en particulier aux croyants, et qui indiquent que ça, c'est une catégorie de ubudiyya qui est plus spécifique, uniquement pour les croyants. Ensuite, le cheikh il dit, Hasha Abdul Muttalib, wa hasha kalimat istithna. عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وابن قصي وعليكم السلام ابن قصي ابن كلاب. فعبد المطلب هذا استثناه ابن حزم من التحريم ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد المطلب فلا وجه للاستثناء وإنما يقال عبد المطلب لجد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة حكاية للماضي كما يقال عبد الكعبة وعبد الشمس وعبد مناف يعني حكاية لما مضى. الشيخ الذي ابن حزم الأندلسي كان يقول il y a une ijma, il y a un consensus sur le fait qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est esclave ou serviteur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il dit que c'est vrai, excepté pour le nom Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib. Mais le Cheikh Al-Fawzan, il dit, oui, c'est le grand-père, oui, parce que c'est... Talib, Abu Talib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. Et cette exception-là, elle est fausse. De toute façon, elle n'est pas vraie. C'est-à-dire, c'est pas vrai que c'est une exception. Pourquoi? Parce que, bon, le cheikh il explique premièrement que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdul Muttalib. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils d'Abdu Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab. Et Abdul Muttalib, ça veut dire quoi? C'est le serviteur de Al-Muttalib. Puis on va savoir pourquoi il s'appelait comme ça plus tard. Le fait c'est que Ibn Hazm, il a mentionné ça comme étant une exception de l'interdiction. Mais le cheikh, il dit que c'est pas le cas, yani, ça rentre pas c'est pas une exception. Pourquoi? Parce que il n'est pas permis d'appeler quiconque, abd de quelque chose, excepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, aujourd'hui, on peut pas appeler quelqu'un Abdul Muttalib non plus. Okay? on ne peut pas appeler quelqu'un Abdul Muttalib aujourd'hui, donc il n'y a aucune possibilité de rentrer ça dans une exception quelconque. On peut dire Abdul Muttalib uniquement à propos du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier, en parlant du passé. Hein? Comme on disait, dans le passé, il y a des gens qui s'appelaient Abdul Ka'ba, ou Abdul Shams, ou Abdul Manaf. Ça, c'était quand on parle, ça, c'est juste quand on parle des choses du passé, à l'époque. Mais aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas s'appeler de ces noms-là, parce que c'était des noms des gens dans la Jahiliya, hein, des noms des mushrikines dans la Jahiliya. Donc, le Cheikh dit, Amma ba'd al-Islam, fala yajuzu li ahadin an yusamma ahad, an yusamya ahadan, بهذه الأسماء لا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهذا من ناحية donc le cheikh il dit que après l'islam une fois que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec l'islam quelqu'un peut plus s'appeler par ces noms là par la suite. Et on peut le mentionner dans le sens que on parle de quelque chose qui a rapport avec le passé, comme par exemple quand on parle des gens qui vivaient avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut plus l'utiliser par la suite. Et la preuve, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il appelait son grand-père par ce nom-là. Parce qu'une fois, il a dit dans un vers qu'il a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le prophète, ce n'est pas un mensonge, je suis le fils de Abdul Ana ibn Abdul Muttalib, je suis le fils de Abdul Muttalib. Il est le fils d'Abdullah, le fils d'Abdul Muttalib. Hein? Mais dans le poème, il n'a pas dit Abdullah, il a dit Abdul Muttalib, c'est pour rentrer dans le vers, dans l'Inde, parce que ça rime. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Oui, on peut s'appeler directement par le. Tu sors ton père, tu dis ton grand-père direct. Et, parce que oui, c'est ça. Ton grand-père, c'est comme ton père, yani, c'est-à-dire. Pas nécessairement, ça peut être plus que ça, mais on ne veut pas trop prolonger pour inutilement, yani. Donc, le cheikh, il dit quoi ensuite? An-nahiya al-thaniya. Mais ça, c'est d'un point de vue. Maintenant, il y a une autre explication aussi. C'est an-nahiya al-thaniya. يقولون إن عبد المطلب ليس اسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما اسمه شيبة الحمد. ولكن قيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله من النجار بني النجار في المدينة وكان تأثر لونه بالسواد بسبب السفر فظنوه عبدا مملوكا للمطلب فقالوا عبد المطلب وقال ابن عباس donc ok d'un autre point de vue c'est ça d'un autre point de vue عبد المطلب c'était pas le nom de son grand-père vraiment parce que le vrai nom de son grand-père c'est le vrai nom du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Shaybat al-Hamd mais lorsque son arrière-grand-père est venu avec son grand-père à Médine, il est allé le chercher, il l'a ramené avec lui, et c'était le plus petit de ses fils, et quand il était, si je comprends bien, il était petit par rapport à ses oncles, et étant donné qu'il était resté au soleil longtemps, il était devenu foncé, et quand il est arrivé avec lui, eux ils ont pensé que c'était son esclave. Alors il l'a appelé Abd al-Muttalib à cause de ça, et c'est resté avec lui ce nom-là. Donc le cheikh dit, « Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhu, fa'atahuma, ay Adam wa Hawa, Iblis, faqala, inni sahibukuma alladhi akhrajakuma min al-Jannah, yushiru ila al-qissati allati dhakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام لما حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معينة في الجنة جاءه الشيطان وزينها له وأغواره بالأكل منها فعصى ربه وأكل منها فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض ولكن آدم وحواء تابا إلى الله فتاب الله عليهما لتطيعانني أي تتمثلان ما أمركما به أو لأجعلن له قرني أي أو الأيل الشيخ يقول الأيل هو الذكر ذكر الأوعال كنا ذكر الأوعال Oui, c'est ça. Ah oui, comme une oriane. Un cerf. Je sais, c'est comme une antilope, non? Dans les montagnes, ok, d'accord. Donc c'est ça. Le cheikh, il dit, d'accord, « هذا فخرج من فيخرج من بطنه من بطنك فيشق يعني بقرنين لا ولا أفعلن ويخوفهما من التخويفات والتهديدات فلم يلتفت إليه ولم يطيعه لأنه عدوهما فخرج ميتا وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى donc le chef il explique ici il dit que Abdullah ibn Abbas il explique par la suite que le diable est venu voir Adam et Ève et il leur a dit je suis celui qui vous a fait sortir du paradis en mentionnant l'histoire que Allah a rappelé dans le Coran dans son livre en parlant du fait que le shaitan est venu leur soupirer à Adam il est venu soupirer à Adam lorsque Allah leur a interdit de manger d'un arbre en particulier le shaitan est venu puis il lui a embelli l'idée de manger de cet arbre et il l'a trompé et donc il en a mangé et donc ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça donc le malheur est arrivé et le shaitan a été chassé du paradis et à cause de ça il a été rabaissé sur la terre mais Adam et Hawa eux ils se sont repentis et Allah a accepté leur repentance et donc il est venu le diable les voir et il leur a dit si vous ne m'obéissez pas je vais lui donner à cet enfant deux cornes par lesquelles il va sortir en transperçant ton ventre avec ses deux cornes, un peu comme les cornes des boucs ou des gazelles ou des antilopes, un genre de chevreuil là avec deux cornes pointues. Donc il lui faisait peur en lui disant des choses de ce genre, puis il disait je vais faire ça, puis je vais faire ça. Il rajoutait des choses pour essayer de les apeurer pour qu'ils les obéissent, mais ils ne se sont pas préoccupés de lui et ils ne l'ont pas obéi parce qu'ils savaient que c'était leur ennemi. Et il dit فَخَرَجَ مَيِّتًا وَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِمْتِحَانِ وَالْإِبْتِلَاءِ مِنَ اللَّهِ Puis l'enfant est sorti mort et ça fait partie de l'épreuve de la part d'Allah سبحانه وتعالى. ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا ذلك لأن الشيطان لعنه الله يحاول مع الإنسان ولا ييأس فأدركهما حب الولد وسمياه عبد الحارث والحارث قيل هو اسم إبليس قبل أن تحل عليه اللعنة ولكن بعد أن حلت عليه اللعنة وطرد من الملأ الأعلى سمي بإبليس فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما أي هذا تفسير هذه الآية رواه ابن أبي حاتم donc le chef il dit que l'enfant est sorti mort et donc c'était une épreuve pour eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala puis ensuite elle est tombée encore enceinte une autre fois puis le shaitan est revenu encore ça c'est pour montrer en fait que le shaitan que Allah le maudit il essaie toujours de faire tomber l'être humain et de le faire pécher et de le faire dévier et qu'il ne perd jamais l'espoir d'être capable de le faire donc même si il essaie aujourd'hui de te faire tomber dans le péché puis il n'arrive pas à le faire aujourd'hui il va quand même revenir encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il réussisse de le faire et donc ils ont eu l'amour pour cet enfant là c'est-à-dire ils ont perdu un donc là ils ont commencé à avoir la cause de l'amour d'avoir un enfant, ils ont accepté de l'appeler Abdul Harith. Et Al-Harith, certains ont dit que c'était le nom de Iblis avant qu'il soit maudit. Avant qu'il soit maudit, ils ont dit qu'il s'appelait Harith. Puis lorsqu'il a été maudit et chassé de l'assemblée qui est près de Allah parmi les anges, il a été chassé et puis on l'a appelé Iblis par la suite. Donc le Cheikh dit فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَلَى جَعَلَ لَهُ شُرَكَ أَفِيمَ أَتَاهُمَا. C'est-à-dire, et c'est pour ça que Allah il a dit par la suite, ils ont donné à Allah des partenaires dans ce qu'ils ont reçu, dans ce qu'ils ont reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans cet enfant-là, ils ont donné des partenaires avec Allah. Et ça, c'est l'interprétation de ce verset qui a été rapporté par Ibn Abi Hatim. Et il y a beaucoup d'ulama qui ont déclaré ce hadith-là qui, comme étant daïf. Et entre autres, Ibn Kathir, dans son tafsir, il mentionne que ça c'était que c'est daïf. Et il dit que c'est même maudour et que ça fait partie des histoires qui ont été inventées par des gens yani, et que c'est pas vrai. Ensuite, le cheikh il dit ثم حملت فأتاهما. Ok, donc on a mentionné ça. Il dit ولاه أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة لا سيما وأنهما لم يفعل هذا قصدا للمعنى وإنما فعلاه من باب حب الولد ومن أجل سلامته فقط ومع هذا سماه الله شركا فيكون شركا ولو لم يقصده الإنسان فدل هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى مشركا ولو لم يقصده ولم ينويه فيحكم عليه بأن فعله هذا الشرك سواء من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله ندا ولكن هذا اللفظ لا يجوز فهو شرك ولو لم يقصده فكيف إذا قصده ففيه رد على من يقول إن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه كما هو قول المرجئة كما هو قول مرجئة هذا العصر. Donc le cheikh il dit avec une chaîne authentique c'est rapporté également par Ibn Abi Hatim que Qatada, selon Qatada, il a dit qu'il leur a donné, ils ont donné à Allah des partenaires dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. C'est ça qu'il dit. Et le shirk dans l'obéissance, c'est un shirk qui est mineur, qui ne fait pas sortir de la religion. En particulier qu'ils n'ont pas voulu faire cette chose-là intentionnellement et en ayant l'intention de sa signification. Ils ont uniquement fait ça par amour pour l'enfant et à cause du fait qu'ils voulaient qu'il soit sain, hein, qu'il soit en bonne santé seulement. Ils n'ont pas fait ça pour faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout, Allah a appelé ça shirk et il a appelé ça shirk. Allah l'a appelé shirk quand même. Donc, on appelle cette chose-là shirk. Le fait de faire ça, on l'appelle shirk. Même si la personne qui l'a fait ne l'a pas eu, n'a pas eu l'intention. Et ça prouve que quelqu'un qui prononce une parole de shirk, ou qui fait un acte de shirk, on dit de lui mushrik. Même s'il n'a pas eu l'intention de le faire. Donc, on va dire que ce qu'il a dit, on va dire que ce qu'il a fait, c'est un acte de shirk. Peu importe que ce soit peu importe que ce soit un shirk majeur ou mineur. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la personne quand quelqu'un lui a dit ce que Allah veut, ou ce que toi et Allah ont voulu, hein, ce que toi et Allah veulent, ou ce que Allah veut et toi. Et quand la personne a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant est-ce que tu veux me mettre moi comme étant un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, la personne qui avait dit ça, son intention c'était pas de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais étant donné que cette parole-là est interdite, qu'on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu veux faire de moi un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça prouve que c'est un shirk, même si ton intention c'était pas de faire le shirk. Donc qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait eu l'intention de le faire? Dans le sens que quand la personne dit cette parole-là, c'est une parole de shirk, d'accord? S'il n'avait pas l'intention de le dire vraiment, c'est un shirk mineur, mais c'est quand même une parole de shirk. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu veux faire de moi un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala? La preuve que cette parole-là est une parole de shirk. Ok? Et le cheikh il dit, et donc dans ça il y a la réfutation de celui qui dit que celui qui prononce la parole de shirk ou qui fait un acte de shirk, qu'on ne dit pas qu'il est mushrik. Jusqu'à ce qu'il croit cela dans son cœur, il dit comme c'est la parole des Mourji'a de notre époque. Et cette parole-là, il faudrait la clarifier, parce que bien entendu, il y a des détails à cette question-là, puis c'est pour ça que il faudrait la faire clarifier, cette signification-là. Parce que si quelqu'un dit une parole de shirk ou fait un acte de shirk, on dit que l'action c'est une action de shirk, et que la parole c'est une parole de shirk. Mais est-ce qu'on va dire que la personne est un mushrik automatiquement parce qu'il l'a fait ou non? Bien entendu, les ulama ils ont expliqué qu'on ne peut pas dire qu'une personne est mushrik ou kafir, excepté après qu'on ait établi la preuve contre cette personne, et qu'on ait, comme les ulama ont dit, iqamat al-hujja, on a vérifié que toutes les conditions sont applicables et que tous les empêchements sont éliminés. Il y a des détails à cette question-là. Mais le cheikh il a fait ça juste comme une sorte de commentaire, il dit les Mourji'a de notre époque, mais quand on retourne aux explications et aux clarifications données par le cheikh Al-Fawzan dans d'autres livres, il clarifie lui aussi qu'il faut établir la preuve contre les gens qui ont dit ou qui ont fait des actes de kufr et de shirk avant de dire qu'ils sont kuffar ou mushrikin et qu'ils sortent de l'islam. Donc ça c'est important de comprendre. Après le cheikh il dit « Wa lahu ay ibn Abi Hatim bi sanadin sahihin an Mujahid fi qawlihi la'in ataytana salihan qala ashfaqa an la yakuna insanan ay khafa min dhalik » وذكر معناه عن الحسن وهو الحسن البصري والسعيد وهو سعيد بن المسيب وهما من أئمة التابعين أي روي هذا التفسير عن هذين الإمامين بل هذا قول أكثر المفسرين كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره وقال هو أولى القولين في تفسير الآية الكريمة وهو الذي اختاره الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب واختاره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله وأن هذا الشرك المذكور في الآية وقع مع آدم وحواء ولكنه شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة وذهب بعض المفسرين وهو قول الثاني إلى أن الآية من أولها إلى آخرها لا تعني آدم وحواء وإنما تعني المشركين من بني آدم واعتمدوا في هذا على شيئين الشيء الأول أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحواء مثل هذا لأن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء والشيء الثاني أن الله ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون فهذا لفظ جمع يعني لفظ جمع فيراد به المشركون من بني آدم واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره وطعن فيما روي عن ابن عباس وقال لعله من الإسرائيليات ولكن الإمام ابن جرير يقول وأولى القولين هو القول الأول وهو الذي عليه أكثر المفسرين ويرجح القول الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضمير بلفظ التثنية وأول الآية لا شك في آدم وحواء وهو قوله وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ولا شك أن المراد آدم وحواء ثم أعاد الضمير إليهما وهذا أسلوب العرب وأنهم يذكرون الاسم في الأول ثم يعيدون الضمائر إليه إن كان مفردا مفردا وإن كان مثنى مثنى وإن كان جمعا فجمعا فهذا الأسلوب هذا الأسلوب العربي والضمائر هي دعوى وربهما ولئن آتيتنا فلما آتاهما وجعل له شركاء كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحواء أما آخر الآية فهو التفات إلى الذرية وهذا أسلوب عربي معروف في لغة العرب وذلك أنه لما ذكر قصة آدم وحواء وفرغ منها انصرف إلى الذرية فقال فتعالى الله عما يشركون أي المشركون من العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعظم الآية في آدم وحواء وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواء فكأن الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من أصله الشرك الذي وقع من آدم وحواء وهو شرك أصغر والشرك الأكبر الذي وقع من عبدة الأوثان من ذرية آدم. Donc le chef il explique maintenant tout ce qui a rapport avec le tafsir de ce verset. Et en fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est rapporté selon une isnad qui est authentique également selon Mujahid, ça c'est les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et si on nous donne un, et si tu nous donnes un enfant qui est en bonne santé, c'est-à-dire ils ont eu peur que ce ne soit pas un être humain. Après il dit et ça a été également rapporté dans sa signification par Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, et Saïd, c'est-à-dire Saïd ibn al-Musayyib, et ce sont deux imams parmi les imams des Tabi'in, et c'est-à-dire qu'ils ont rapporté ce tafsir de ces deux grands imams. Et c'est la parole et c'est l'interprétation de la plupart des Mufassirin. La plupart d'entre eux, ils ont interprété ce verset-là de la façon dont on l'a mentionné. Et Al-Shawkani, il a mentionné ça également dans Fath al-Qadir, et il a mentionné ce tafsir-là lui aussi. Il dit que le chef des Mufassirin, c'est-à-dire Ibn Jarir al-Tabari, qui est un des premiers savants de tafsir, qui a écrit un des plus grands tafsirs, il a mentionné que le tafsir le plus correct d'entre les deux positions, c'est le premier, c'est-à-dire le tafsir qu'on a expliqué à propos de Adam et Ève. Et il dit que c'est également le choix de l'auteur de ce livre, c'est-à-dire l'auteur de ce livre, Mohammed ibn Abdul Wahhab, et de celui qui a écrit le Sharh, c'est-à-dire un des petits-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire Sulaiman ibn Abdullah. Et qu'est-ce qu'il dit ce tafsir-là? Il dit que le chef qui est mentionné dans le verset est arrivé de la part de Adam et Ève. Toutefois, c'était un chef dans l'obéissance et non pas un chef dans l'adoration. Toutefois, il y a d'autres parmi les savants de tafsir qui ont mentionné une deuxième position au sujet de ce tafsir. Et ils ont dit que le verset الآية من أولها إلى آخرها le verset du début jusqu'à la fin il ne parle pas de Adam et Ève et que ça veut dire plutôt les mouchriquins de parmi les fils d'Adam et ils se sont basés sur deux choses pour interpréter le verset de cette façon là la première chose ils ont dit que ce n'est pas permis que un acte de shirk se produise de la part de Adam et Ève parce que Adam était un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc une chose pareille ne peut pas arriver de la part d'un prophète. Ensuite, le deuxième argument qu'ils ont mentionné, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de ce verset, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala il dit fata'ala Allahu amma yushrikun, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce qu'il lui associe. Et donc le verbe qui est mentionné dans, à la fin de ce verset-là, c'est un verbe ou c'est un verbe au pluriel. Hein? Parce que quand on parle de Adam et Ève, on mentionne, wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Quand on parle de Adam et Ève, on dit, yani, on utilise le duel. Parce qu'en arabe, il y a le singulier, il y a le duel et il y a le pluriel. C'est pas comme en français. Donc ça veut dire que quand on parle au début du verset, on utilise le duel, c'est-à-dire pour deux personnes. Et donc, par la suite, à la fin du verset, Allah dit فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, il utilise le pluriel et non pas le duel. Donc, il se base sur ça pour dire que ça s'applique plus à la fin à Adam et Ève, ça s'applique aux mushrikin. D'accord, ceux qui font le shirk. Et même que Ibn Kathir, il a mentionné ce tafsir-là dans son tafsir et il a dit que c'était la position qui était correcte. Et il a critiqué même qu'est-ce qui a été rapporté selon Ibn Abbas à ce sujet-là, et il a déclaré que c'était parmi les hadiths qui sont maudou'a, et même il dit que ça fait partie des israéliades, c'est-à-dire des histoires rapportées des juifs et des chrétiens qui ne sont pas authentiques, et même qu'il a mentionné aussi beaucoup de fautes dans la chaîne de transmission de cette histoire-là. Et si vous retournez, justement, vous pouvez trouver ça dans le tafsir d'Ibn Kathir, il le mentionne. Et donc c'est pour ça que les ulama, ils ont souvent, beaucoup d'entre eux, ils ont mentionné cette histoire-là et ils ont dit que c'est daïf, que c'est pas authentique. Donc ça c'est à ce sujet-là. Toutefois, le cheikh il dit, parce que lui, le cheikh Al-Fawzan, il est d'accord avec la première position. Il dit que c'est le premier tafsir qui est correct. Il prend la position de Ibn Jarir al-Tabari. Et il va justifier pourquoi il a choisi cette position-là par la suite. Donc il dit que Ibn Jarir al-Tabari, il mentionne pourquoi il est d'accord avec la position numéro 1, celle qui dit que c'est Adam et Ève, et qu'il dit que c'est la position de la plupart des savants de tafsir, et il dit que les gens qui ont la première position, ou qui ont supporté la première interprétation, ils disent que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne au début, c'est vrai, le duel. Il mentionne qu'il y a deux personnes qui parlent, Adam et Ève. Et le début du verset, personne ne doute que ça parle de Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui vous a créé d'une seule âme et qu'il a fait de cette âme son épouse. Hein, en parlant de Adam, et que d'Adam, Allah a extrait Ève. Donc ça c'est la preuve que ça parle d'Adam et Ève, et il n'y a pas de doute là-dessus. Non, c'est pas comme argument. Puis ensuite, Allah ramène les pronoms qui sont utilisés par la suite, sont des pronoms duels aussi, qui les désignent et qui sont mentionnés sous la forme duel. Donc ça prouve que ça parle encore une fois de ces deux personnes-là, encore une fois. Et le cheikh il dit que dans la langue arabe ou dans le style des arabes, quand ils s'expriment, ils parlent de cette façon-là. Ici donc, par exemple, au début, ils vont mentionner le nom, et puis ensuite ils vont retourner le pronom à ce nom-là. Donc si au début c'était singulier, ils vont mentionner singulier, le pronom singulier. Par la suite, si c'est duel, ils vont mentionner le duel. Et si c'est pluriel, ils vont mentionner pluriel. Et ça, c'est la façon dont les Arabes parlent. Et on voit que les pronoms qui sont utilisés dans ce verset-là, c'est da'awa, ça c'est duel. Rabbuhuma, c'est duel. La in ataytana, ça c'est pluriel, mais ça peut être duel aussi. Et kalama atahuma, ça c'est duel encore. Et ja'ala lahu shuraka, ça c'est duel, ja'ala. Et donc le cheikh dit, tous ces pronoms-là retournent à Adam et Ève. Et à la fin du verset, on retourne aux enfants, à la progéniture de Adam et Ève, c'est-à-dire, c'est pour ça que par la suite, Allah dit, فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, c'est-à-dire les progéniteurs, les enfants d'Adam et Ève, ceux qui sont venus par la suite et qui ont commis le shirk. Donc, il dit que ça, c'est un style arabe dans la langue arabe, et c'est bien connu. Et il dit que, qu'est-ce qui est mentionné au sujet de l'histoire de Adam et Ève, c'est-à-dire que Allah, il a parlé de Adam et Ève au début du verset, hein, puis après, à la fin de l'histoire, il se tourne vers, où il mentionne les choses par rapport à la progéniture de Adam et Ève, et il dit que Allah soit exalté de ce qu'ils associent avec lui, c'est-à-dire de ce que les mouchriquins, les idolâtres parmi les Arabes, auxquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé, hein, qu'ils soient exaltés du shirk des mouchriquins des Arabes de l'époque. Et donc, le shirk dit la plupart du verset, la grande partie du verset passe de Adam et Ève, et à la fin, on parle des progénitures de Adam et Ève, et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il dénonçait le shirk qui est arrivé à la base, c'est-à-dire celui qui est arrivé de la part de Adam et Ève, et il dit, c'est un shirk mineur, c'est pas un shirk majeur, comme le shirk majeur qui est arrivé par la suite de la part des idolâtres qui adorent des idoles parmi les fils et les enfants de Adam. Donc il dit, فَيَتَرَجَّحْ الْقَوْلُ الْأَوَّلْ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهِ أَوَّلًا أَنَّ الضَّمَائِرْ كُلُّهَا مثنى، والقول بأن المراد الذرية تعسف في وبأن اللي هو القول بأن المراد الذرية تعسف في الألفاظ لا يجوز. أبخر الشيخ الدي ثانيا أن ما فسر به ابن عباس ورد من عدة جهات، فهو تفسير صحيح من مجموع طرقه. وثالثا أن عليه الأكثر من أهل العلم كما قال الشوكاني. Donc le cheikh il dit quoi? Le cheikh il dit qu'il y a trois raisons pourquoi on supporte la première interprétation. Il y a trois raisons qui fait qu'il supporte la première interprétation. Il dit la première preuve c'est que tous les pronoms sont duels. Et de ramener ça aux enfants, tout au long, c'est quelque chose qui est compliqué, puis c'est pas permis. Deuxièmement, le tafsir de Ibn Abbas est mentionné de plusieurs sources, de plusieurs narrations. Donc, il dit que il est donc authentique de si on réunit toutes ces chaînes. Ça, c'est l'explication du cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Du fait que, même s'il ne serait pas authentique, il y en a d'autres narrations qui mentionnent qui mentionnent la même chose, et il dit que si on les réunit tout ensemble, ça fait que ça devient authentique. Et la troisième argument qu'il dit, c'est que la plupart des savants ont supporté cette interprétation-là, et c'est ce que a dit l'imam Ash-Shawkani. Et il mentionne un dernier argument, رابعا أنه هو المعنى الذي رجحه الإمام أبو جعفر ابن جرير وشيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير حيث قال وأولى القولين القول الأول وهذا الذي اختاره المصنف في هذا الباب. أما قول المخالفين إن آدم عليه السلام لا يليق به ذلك فنقول هذا ليس بشرك أكبر وإنما هو شرك أصغر وهو شرك في الطاعة والألفاظ لا في المعاني والمقاصد والنيات وقد وقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب عليهم والعصمة إنما هي من الذنوب الكبار ومن الاستمرار على الصغائر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يستفاد من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن عدة فوائد. Donc le quatrième point, le cheikh il dit que ce qui a été mentionné c'est ce que l'imam Ibn Jarir al-Tabari a dit dans son tafsir au sujet de la première position. Il a dit que cette première interprétation-là, c'est celle qu'il a choisie lui. Il dit que c'est elle qui était la plus valable, celle que c'est l'histoire à propos de Adam et Ève. Et il dit que cette position-là, c'est aussi la position du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. En ce qui concerne ceux qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation-là, et qui donnent comme argument que c'est Adam, et que Adam est un prophète, et que donc un prophète ne peut pas faire une chose pareille, ou ne peut pas faire un shirk, le Cheikh il explique qu'il dit ça, c'est pas un shirk majeur, c'est uniquement un shirk mineur, et c'est une forme de shirk dans l'obéissance, et dans les paroles, et non pas un shirk dans les significations, et les buts, et les intentions, et les objectifs. Donc, dans ce cas-là, ça peut arriver même de certains prophètes, hein, ça peut arriver des prophètes, certains péchés qui sont petits, mineurs, et Allah subhanahu wa ta'ala, parfois Allah les blâme lorsqu'ils font des petits péchés comme ça. Ça arrive de la part des prophètes de faire des petits péchés, puis ils s'en repentent et ils ne persistent pas à le faire. L'infaillibilité des prophètes, c'est uniquement l'infaillibilité par rapport aux grands péchés et de persister à faire des petits péchés, comme ça a été mentionné par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il dit que on peut tirer de toute cette histoire-là les bienfaits suivants. Le Cheikh il mentionne 6 points différents qu'on peut résumer par rapport à ce chapitre. Tu t'en vas? Ouais, mais tu peux prier ici, on va prier ici, ensemble. Ou bien si tu veux y aller, c'est comme tu veux. Il reste juste ça. On va lire ça vite. Oui, oui. Inch'Allah, parce que c'est le résumé. Hein? La Cheikh, il dit, Al-fa'ilatul ula, bayanu al-shikma, min al-khalq, min khalq al-zawjat, li bani Adam. Wa anna al-maqsoud min dhalika, al-sakan wal-istilad. Wa ghayri dhalika min al-fawa'id. Wal-qawwama, والقوامة من الرجل على المرأة وصيانتها إلى غير ذلك ولكن أهم شيء هو السكن كون الإنسان يأتي إلى بيت فيه زوجة طيبة ملائمة يسكن إليها ويرتاح معها. Le premier point c'est de clarifier la sagesse du fait qu'Allah a créé les épouses pour les fils d'Adam. Et que le but de ça, c'est justement que l'homme puisse retrouver auprès de la femme la tranquillité et avoir des enfants. Et il y a également d'autres bienfaits à ça. Et également d'établir que l'homme, il est le supérieur et le chef de la femme. Et qu'il est là pour la protéger. Et ainsi qu'il y a aussi d'autres bienfaits à ça aussi. Parmi ceux-ci, le plus important, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la femme pour que l'homme puisse retrouver le repos auprès d'elle et la tranquillité et la sérénité auprès d'elle, et que lorsque l'homme entre chez lui, il trouve une bonne épouse qui l'attend et auprès de laquelle il peut se reposer et se sentir en tranquillité. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Al-fa'idatu thaniya. Le deuxième bienfait, أن حصول الأولاد الأسوياء في خلقتهم الصالحين في دينهم من أكبر النعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وزوجكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات. ولئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Donc un autre bienfait, c'est que le fait qu'on ait des enfants qui soient en bonne santé, qui aient tous leurs membres et qui soient pieux et vertueux, qui aient une bonne religion, ça c'est parmi les plus grandes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cette grâce-là dans le verset 72 dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Allah il vous a créé pour vous des épouses, il a créé pour vous, de vous et pour vous, des épouses et il a fait pour vous, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ, de vos épouses également, il vous a donné également à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants, et il vous a donné comme subsistance toutes sortes de bonnes choses. Donc ça c'est ce que Allah mentionne à ce sujet-là, puis il mentionne l'autre verset qu'on a mentionné, et lorsque ils ont demandé à Allah, Allah leur a donné un enfant qui était en bonne santé pour qu'il soit parmi les reconnaissants. Donc ça, ça montre la grâce d'Allah quand il nous donne des enfants. الفائدة الثالثة في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج وأنها السكن والاستيلاد ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة والقوامة والنفقة وغير ذلك فالمرأة بلا رجل تكون معذبة والرجل بلا امرأة يكون معذبا أما إذا اجتمع زوجان متناسبان Le Cheikh il dit, il y a également comme troisième point la preuve que il y a une sagesse dans le mariage. Et la sagesse du mariage, c'est bien entendu de trouver la tranquillité, d'avoir des enfants. Et il y a également à la suite de ça d'autres bienfaits, comme par exemple de la protection, le fait que l'homme il soit le responsable et le chef de la femme, et qu'il donne la subsistance également à sa femme, et il y a d'autres choses également à ce sujet-là. Mais le Cheikh il dit aussi que la femme sans homme, c'est comme si elle vit dans une sorte de tourment, hein, souffrance et tourment. Et l'homme, la même chose, l'homme sans femme, il vit comme dans une sorte de tourment, un genre de tourment, puis un genre de punition, yani. C'est comme s'il souffre du fait d'être sans femme. De la même façon qu'une femme souffre d'être sans un homme. Et lorsqu'ils sont réunis tous les deux et qu'ils sont des époux qui se correspondent l'un l'autre, et bien dans ce cas-là, ça fait partie des plus grandes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième point, الفائدة الرابعة في الحديث دليل على أن تعبيد الأسماء لغير الله الشرك. Il y a comme quatrième point la preuve que si on donne si on dit qu'on donne un nom à quelqu'un qui implique qu'on est esclave d'autre que Allah, ça c'est une forme de shirk. Le point numéro 5, الخامسة التحذير من كيد إبليس إذا كان فإذا كان فعل من فعل من مع الأبوين وفعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يهدد ويتوعد. Donc le Cheikh il dit que comme cinquième point, il avertit contre les ruses d'Iblis. Parce que si Iblis a été capable de tromper et de faire des ruses contre nos premiers parents, il est capable de le refaire avec nous et avec les progéniteurs de Adam et de sa femme Ève, et encore plus encore. Donc le Cheikh il mentionne des versets qui parlent de ça, comme les versets 82 et 83 dans Sourate Sad, et il mentionne un autre verset avant ça qui dit as-tu vu celui que tu as honoré par-dessus moi, si tu me laisses un délai jusqu'au jour de la résurrection, لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني c'est comme si le shaitan il dit étant donné que tu as honoré Adam au-dessus de moi plus que moi, je vais, si tu me laisses vivre jusqu'au jugement dernier, je vais faire en sorte de faire dévier les fils de Adam, excepté un petit nombre d'entre eux. Et il mentionne un autre verset, comme le verset qu'on a dit 82 et 83 dans Surat Sad. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَبِعِزَّتِكَ, il jure qu'il va essayer, Iblis, il va essayer de faire tous les hommes se dévier du droit chemin, excepté tes serviteurs qui sont sincères et qui ont l'ikhlas. Donc c'est la preuve qu'il essaie de faire des menaces et il essaie de dévier les fils d'Adam. الفائدة السادسة أن تعبيد الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأصغر وهو الشرك الطاعة إذا لم يقصد به معنى العبودية، وإن قصد به معنى العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر، كما عليه عباد القبور الذين يسمون أولادهم بعبد الحسين وعبد الرسول أو غير ذلك. هؤلاء في الغالب يقصدون التأله ولا يقصدون مجرد التسمية، وإنما يقصدون التأله بذلك والتعبد لهذه الأشياء لأنهم يعبدونها، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. Le Cheikh dit comme sixième point, puis on termine avec ça, c'est que lorsque quelqu'un donne un nom à quelqu'un et que ça implique qu'il est un adorateur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il est un esclave d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du shirk mineur s'il n'avait pas cette intention-là. Parce que ça fait partie du shirk dans l'obéissance, et s'il n'avait pas l'intention que ce soit une adoration pour autre que Allah, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Mais si la personne qui a donné ce nom-là, il pensait à l'adoration d'autre que Allah et à adorer d'autre que Allah, dans ce cas-là, ça devient une forme de shirk majeur, comme les gens, par exemple, qui adorent les tombes et qui appellent leurs enfants Abdul Hussein et Abdul Rasoul, ou bien d'autres noms de ce genre. En général, eux, lorsqu'ils donnent ces noms-là, ils les donnent avec l'intention que ce soit de l'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala réellement. La preuve de ça, c'est qu'ils adorent ces êtres-là en dehors d'Allah. Ils adorent Al-Hussein et ils adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il n'y a pas de doute que celui qui adore ces choses-là, alors dans ce cas-là, ça devient une forme de shirk majeur. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis la semaine prochaine, on va continuer avec le chapitre 51, puis on va clarifier certains points qu'on a mentionnés, des choses de ce chapitre ici, pour clarifier certains petits détails, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.